Cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Akhadna fi al-dars al-sabiq al-qa'idata al-thalitha. Et on n'avait pas fini. Fama hiya khulasat hadhih al-qa'idah. C'était quoi le but de Cheikh l'Islam, rahmatullah alayhi, avec cette qa'ida, la troisième? Il voulait démontrer ماذا? عندما تفضل. La personne qui adore un arbre, une pierre, ou un billard, ou autre qu'Allah, il n'y a pas de différence entre eux, c'est des mouchriks. Na'am. Fa'arada, rahmatullah alayhi, kullu ma'ubida. Min dunillahi azza wa jal, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas permis. Même si cette chose, cette créature, elle a un fadl azim indallah. Mithla al-anbiya, wal-rusul, wal-salihin. Même si cette créature, elle a un fadl azim indallah, elle est aimée auprès d'Allah, elle a un rang élevé, ça nous permet pas à nous de l'adorer. Elle a un fadl azim, on l'aime. Notre rasoul, on le respecte, on le suit, on écoute ses ordres, on s'écarte de ce qui nous a interdit, etc. Amma l'adorer min dunillahi azza wa jal, ou ma'allahi azza wa jal, hada min ash-shirk billahi subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il a voulu, Cheikh l'Islam, avec cette qaïda. Anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam zahara ala unas mutafarriqina fi ibadatihim. Donc il nous montre que al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un peuple كانوا متفرقين في عبادتهم. Et ils n'étaient pas tous d'accord. Ils étaient divisés sur les choses qu'ils adoraient. فمنهم, ils adoraient al-malaïka. Certains, ils adoraient al-anbiya ou al-salihin. D'autres, ils adoraient al-ahjar, des pierres, al-ahjar, des arbres. Lat ou al-uzza ou manat, etc. Et al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a tous mis au même niveau. Et ils étaient mouchrikoun. Et il les a appelés al-islam. Et ceux qui ont refusé, il les a combattus. Alayhi salatu wassalam. Donc c'est une qa'ida nafi'a jiddan. Elle nous démontre qu'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grave, même si cette créature elle a un fadl azim. Et ça ne veut pas dire que ahlul haqq, al-ulama et ceux qui sont à la sunna, ça ne veut pas dire qu'ils mettent au même niveau un habit et un arbre ou une pierre, comme ils essayent de faire comprendre a'da hadhihi da'wa من المشركين والقبوريين والخرافيين بعضهم يطعنون في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يديز regardez respecte pas l'anbiya ou al-salihin لأن il les met au même niveau que les pierres, les arbres, etc. لا il les met pas au même niveau أبدا لكن adorer autre qu'Allah c'est du shirk, que ça soit un prophète ou une pierre. Et là chaque année ce nabi, ce rasoul, ce malak, il a un fadl azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime al-anbiya, wal-rusul, wal-malaika, wal-salihin. Lakin, est-ce que si Allah subhanahu wa ta'ala, il aime une chose, on doit adorer cette chose? Na'oudou billah. Au contraire, ce nabi qu'on aime, lui-même, il nous a ordonné et il nous a interdit d'adorer autre qu'Allah. Et il a cité la parole de Isa ibn Maryam, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité dans le Coran. Wa itqala Allahu ya Isa ibn Maryam. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Donc ça montre que Isa il a jamais appelé à هذا. C'est pour ça que Isa قال, comme il a cité Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, قال أي عيسى سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Il a dit سبحان الله, je peux pas dire une chose qui est pas حق. Ça montre que adorer l'anbiya ou le rasoul, que ce soit Isa ou autre, c'est pas min al-haq. Et si c'est pas min al-haq, c'est que c'est min al-batil. Donc c'est une qa'ida nafi'a jiddan. Qala Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahmatullah alayhi dans son sharh, muqtada hadhihi al-qa'ida anna kulla ma du'ya min dunillah min mala'ika wa ghayri dhalik kulluha 'ajizatun 'an an tas'ifa 'abidiha bil matlub aw tunjihim min al-mahrub. والله تعالى قد أخبر أن كل مدعو من دونه لا يملك شيئا وإن قل. إلى ست لبقسة قال عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Il démontre aux mouchrikoun, il y a ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Ça englobe tout le monde. Ça englobe toutes les créatures. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. Ils ne possèdent rien. Et c'est vrai, celui qui possède tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, Al-Malik. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, donne l'exemple du Qitmir. Le Qitmir, c'est autour du noyau de date, tu as une petite enveloppe, une petite pellicule blanche. C'est très fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre « Nahadda hada la yamlikuna ». Et c'est vrai, « La ahad yamlik hada », c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne l'aurait pas créé, il ne saurait pas, cette enveloppe, elle ne saurait pas autour du noyau de date. « قال عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. » Ils ne vous entendent pas. Même s'ils t'entendraient, ils ne peuvent pas te répondre. Et « يوم القيامة » ils se désavouent de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre au mushrik en à ceux qui l'invoquent en dehors d'Allah, ils ne lui apportent aucun bien, ils ne peuvent lui repousser aucun mal. Quelle que soit cette créature qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça dans un autre verset qui cite Cheikh Najmi, قال وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. Cheikh Najmi cite ce verset en Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à tous les gens, يا أيها الناس. Il parle pas aux croyants, il parle à tout le monde. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité un exemple dans le Coran et il dit aux personnes de bien écouter, de bien méditer. C'est quoi cet exemple? قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas créer un dhubab, un moustique, une mouche, un petit insecte, ils ne peuvent pas le créer. ولو اجتمعوا له, même s'ils se rassemblent tous. Ça te montre que celui qui mérite l'adoration, c'est le créateur, c'est le Rabb. Est-ce que l'anbiya c'est des arbab? Là. Est-ce qu'un rasoul c'est un Rabb? Là. Il a été envoyé par un Rabb, donc tu ne peux pas l'adorer. Est-ce que le malaïka c'est des arbab? Là. Est-ce qu'une pierre c'est un Rabb? Abadan. Donc celui qui mérite l'adoration, c'est un Rabb. Comme a dit Azza wa Jal, « Ya ayyuha nasu ubudu rabbakum ». Donc celui qui mérite l'adoration, c'est le Rabb. Et le Rabb c'est qui? C'est celui qui crée, celui qui a le khalq, wa al-mulk wa al-tadbir. La création, il crée ce qu'il veut. Al-mulk, il possède tout. Wa al-tadbir, il gère. Il donne la vie, il donne la mort, il guide, il égare. Il donne du risque à un tel, il prive un tel, il élève un tel, il rabaisse un tel. C'est lui qui gère tout, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui qui mérite l'adoration. قال الشيخ نجمي après avoir cité ces adillah, إذن فليس هناك ميزة لأحد دون أحد في هذا الباب. Il n'y a aucune différence dans ce bab entre les créatures et être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Najmi veut démontrer, comme certains y pensent, un nabi ou un malak, il a un rang élevé auprès d'Allah, donc je peux lui demander ce qu'ils appellent le shafa'a. Alors que c'est l'ibad. Cheikh Najmi, il te montre qu'il n'y a aucune différence. Tu n'as pas le droit d'adorer un caillou, tu n'as pas le droit d'adorer un arbre, tu n'as pas le droit d'adorer un rasoul, tu n'as pas le droit d'adorer un malak. Pourquoi? Parce que cette chose, elle est khassa billah. Ça ne veut pas dire qu'on rabaisse cette créature, ce Nabi. Il y en a ce Nabi lui-même, il te montre que tu dois adorer Allah seul. Le prophète Mohammed, il récitait « Qawlullah wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ». Et il a appelé à l'Yahoud, à l'Nasara, de ne pas adorer leur prophète. Et de ne pas exagérer sur lui-même, alayhi salatu salam. Tout ça, ça nous montre l'Anbiya wa Rasul, ils ont appelé au Tawhid al-Khalis. Ceux qui ont propagé ces khurafats, d'adorer, de pouvoir adorer, ou s'est permis d'adorer autre qu'Allah pour se rapprocher d'Allah, là c'est Ahlu al-Zayr wal-Inharaf. Min al-Quburiyin wal-Khurafiyin. Donc, c'est pas permis. L'adoration c'est à Allah seul عز وجل. قال وبهذا يعلم ان من عبد الملائكه او عبد الانبياء الى اخره هو ومن عبد الاحجار والاحجار سواء كلهم مشركون. Donc ceux qui adorent une pierre, un arbre, le soleil, des vaches, ou ceux qui adorent un ange, un prophète, un rasoul, un homme pieux, ils sont pareils. Ils ont tous adoré autre qu'Allah, c'est tous des mushrikoun. C'est une قاعده نافعه. جداً. Et Inch'Allah on lit et on l'a fini. On est arrivé à الصالحين. قال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون أي ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. مثلا المشرك أو certains مشركون ils adorent des hommes pieux pour soi-disant qu'il les rapproche d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset démontre que cet homme pieux que tu adores lui-même, il espère se rapprocher d'Allah. Et il a peur d'Allah. Et il espère rahmat Allah. Enfin, pourquoi tu l'adores? Si tu l'aimes et il est à la ilm, suis-le. Il adore Allah, adore Allah. Amma, tu l'adores lui pour qu'il te rapproche d'Allah, هذا هو عين الشرك. Comme il va nous démontrer Cheikh Zayd. قال Cheikh Zayd, المدخلي رحمة الله عليه وبين الله عز وجل في الآية التي تلي هذه وهي قوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أن الصالحين المدعوين على اختلاف منازلهم. الصالحون سانغلوب ديفير بيرسون كل كسوا لغ نيفو في العلم وفي الصلاح. الذين يدعونه من دون الله هم بأنفسهم يرجون من الله تبارك وتعالى القربة ويرجون منه المغفرة. Eux-mêmes, ils espèrent qu'Allah les élève. Eux-mêmes, ils espèrent qu'Allah leur pardonne. Enfin, comment eux-mêmes ils vont pardonner? Ou ils vont t'élever? Eux-mêmes, ils demandent à Allah et ils espèrent. Et ils attendent. فأنت كذلك. Tu espères, tu demandes à Allah Azza wa Jal et tu as une bonne pensée envers Allah Azza wa Jal. أنه يغيبون ويغيبون. قال بأنفسهم يرجون من الله تبارك وتعالى القرب ويرجون منه المغفرة ويرجون منه قبول الصالح العمل. أما هم فإنهم لا يملكون لأحد قربة ولا زلفة إلى الله ولا شفاعة في جلب مصلحة أو دفع ضر. أمن يزعطون دي زسفر. Ils peuvent donner à personne et ils peuvent rabaisser personne. Ils peuvent donner à personne un bien ou repousser un mal. Enfin, pourquoi leur demander? C'est pas mina al-ma'akoul. Et ça fait pas partie de notre dîn, kadalik. وَهُمْ بِأَنفُسِهِمْ يَتَنَافَسُونَ وَيَتَسَابَقُونَ إِلَى صَالِحِ الْأَعْمَالِ لِيُحَقِّقُوا مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنْ رَجَاءِ رَحْمَتِهِ وَخَشْيَةِ عُقُوبَتِهِ وَهَذَا هُوَ دَأْبُ الصَّالِحِينَ. C'est ça la voie des salihins. Annahum, ils font des efforts fi tawhid, ils font des efforts dans l'adoration, ils suivent leur messager, ils espèrent rahmatullah, ils ont peur de son châtiment et ils ont une bonne pensée envers Allah. فَنَحْنُ كَذَلِكَ. Amma, élever ce salih au-dessus de son rang et l'adorer, c'est min ash-shirk. Et ce salih lui-même, yatabarra. Comme قال عز وجل ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Ceux qui adorent l'an, as-salihun, que ce soit des anbiya, des rasoul, ou sahaba, ou des ulama, ou des salihun, yom al-qiyama, ce salih, cet homme pieux, yakfur bihad al-mushrik. Et il le renie, il le rejette. Il n'est pas d'accord avec lui. Enfin, pourquoi l'adorer? Ceux qui adorent autre qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas hada. Ben, c'est du shirk, s'il meurt, il rentre en enfer. La créature qu'il a adorée, elle n'est pas d'accord avec lui. Enfin, qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien qu'à dire. C'est que le shaitan qui veut l'égarer. قال يعبدون الله ليرضى عنهم وليؤدوا ما أمرهم الله عز وجل بأدائه وليحققوا مراد الله منهم وهم في كل ذلك أهل خوف ورجاء. C'est deux choses. الخوف والرجاء. Ça c'est les piliers de l'ibada. T'adore Allah subhanahu wa ta'ala بخوف et bien sûr avec le mahab. T'as peur de son châtiment, elle n'était pas à l'abri de t'égarer, et tu espères ar-rahma, sa rahma azzawajal. Pourquoi? Léan Allah il est karim, il est ghafour, il est rahim, c'est arhamur rahim. Donc tu ne désespères pas, donc tu es entre peur et espoir. Hakadha al-mu'min. Tout ça, bien sûr, tu places ta confiance en Allah et tu adores que Allah Azza wa Jalla. Les mains, c'est lui qui possède tout. Mais cette créature que ce mouchri qu'il adore, est-ce qu'elle peut le mettre fil nar? Elle peut pas. Est-ce qu'elle peut le mettre fil jannah? Elle peut pas. Enfin, pourquoi l'adorer? Pourquoi se rapprocher de cette créature? قال والخوف والرجاء عبادتان عظيمتان محلهما القلوب. Bien sûr, c'est des ibadat qalbiyya, c'est dans le cœur. Ça montre l'importance d'étudier le tawhid, l'importance d'étudier l'aqidah ou l'iman. Hatta ces choses, elles sont ancrées dans le cœur. Khawf, raja, mahabba, tawakkul, ikhlas. Toutes ces ibadat al-azima. Et inshallah, ça se verra dans tes a'mal, ayyuhal muslim. وَرَجَاءٌ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ وَخَوْفٌ مِنْ وَأَهْلُ الْإِيمَانِ الْحَقِّ قد جمعوا بين الخوف والرجاء في جميع عبادتهم يرجون من الله عز وجل أن يقبلها منهم مع الإتيان بأسباب القبول وهي أهل الإيمان. Ils font des efforts dans ces deux points, al khawf wa raja. Donc ils ont peur et ils espèrent. Il y en a celui qui a peur et qui espère pas, il va tomber dans le désespoir. مثل الخوارج الضلال. Tellement qu'ils citent ahadith ou ayat fil wa'id, ils ont désespéré et kafir les gens. Il ne sera plus pardonné. Et ils font des choses, wal'iyadu billah, du fasad fil ard, à cause de ce désespoir. Li'annahum, ils ne connaissent pas Allah Azza wa Jal. Une ma'rifa haqiqiyya, qui est fondée sur aqidat ahl sunnati wal jama'a. Donc ils ont désespéré. Ceux qui espèrent et ils n'ont pas peur, fakadalik, ils s'égarent. Ils font des mansa'im. Des masa'ib, a'za'im, et ils n'ont pas peur. Allah, il pardonne. Et ils font jami' al-munkarat, rubbama du kufr et du shirk, wal'iyadu billah. Et ils n'ont pas peur. Ils s'égarent, kadalik. Et ils n'étaient pas à l'abri de l'égarement. Ils n'étaient pas à l'abri du adab, ayyuha al-muslim. Nous, en tant que suiveurs du haq, on essaye d'appliquer les deux et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. هذا الطريق. On adore Allah عز وجل بمحبة parce qu'on aime Allah سبحانه وتعالى. Et on a peur de son châtiment. لأنه il est شديد العقاب. Et كذلك on espère qu'Allah nous pardonne et qu'il nous guide. لأنه c'est أرحم الراحمين. Et tu verras que l'insan avec ces trois points, محبة, خوف, رجاء, inshallah sa ibadah elle sera conforme. Et il sera motivé et il ne désespérera pas. كذلك, il n'exagérera pas. Annahu Allah, il ne peut pas lui pardonner. Là. Et il sera à la khayr. Si il se trompe, il fait tawbah. Si, walillahi alhamd, il sent qu'il avance dans son din, yahmad Allah subhanahu wa ta'ala wa yashkuruh. Et il avance, walillahi alhamd. Tout ça en faisant les asbab. Bien sûr, avec cette aqidah tayyiba, ce iman tayyib, mahabba, khawf et raja, كذلك, ce musulman il fait les asbab pour que Allah il accepte ses œuvres. Cheikh Zayd les a cités, rahimahullah, قال اولا والصواب فيه. Bien sûr, الصواب. Ça veut dire quoi الصواب هنا المتابعة. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأنه cette ibadah sera acceptée que si ce amal il est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui fait quelque chose, qui invente une chose dans ce din, ce amal qu'il a inventé, Allah il l'accepte pas. Son amal il est rejeté. Et dans une autre riwaya, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait cette bid'a, cette chose qui n'est pas citée ni dans le Coran ni dans le Sunna, c'est une chose inventée, son amal il est rejeté. Fakatir min al-nas, ils inventent des choses, ils veulent se rapprocher d'Allah avec des bid'a. Il n'y a aucune source. Ils inventent des salats, ils inventent des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas légiféré. Et ça, fait le haqiqa, c'est un manque de respect envers le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'un Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas montré qu'annahu, il n'a pas su cette chose. Et ce abd, des années après, il démontre cette ibadah que personne ne connaissait. Le haqiqa, c'est un ta'an fi Rasulillah, bel un ta'an fi Allah azza wa jalla. Ça ne veut pas dire que ceux qui font des bid'a yata'anouna fi Allah wa fi rasoulih, lakin ça implique hada. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a démontré que son dîn, il est kamel. Al-yawma akmaltu lakum dînakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dîna. Si cette personne qui fait des bid'a, elle est d'accord que dîn, il est complet, il est parfait, pourquoi tu rajoutes? Pourquoi rajouter une salat, un dhikr, des choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pas appelé, il a pas légiféré? Là, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas légiféré dans le Coran, ou dans la Sunna. Donc, la première cause pour que l'amal soit accepté, al-mutaba'a. Amal, toujours tu te poses la question, c'est quoi la preuve de ce amal? Pourquoi je fais telle chose? S'il y a un dalil, tayyib. S'il n'y a pas de dalil, délaisse. Ça fait que t'écarter min al-haq. Il y a al-bid'a, c'est du shar. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faites attention aux choses nouvelles et fiddin. فإن كل محدثة بدعة شك محدثة شك شوز نوفل سين بدعة وكل أو وكل بدعة ضلالة الشك بدعة سيد لكامون وكل ضلالة في النار الشك كامون سيد في النار donc ce عبد qui veut se rapprocher d'Allah avec des بدعة il fait pas d'effort dans l'ilm il demande pas il veut se rapprocher d'Allah et في الحقيقة il se rapproche que de النار نسأل الله السلامة والعافية donc المتابعة كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ton exemple, notre modèle, c'est le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. فاتبع ولا تبتدع. كما قال غير واحد من السلف. ابن مزعود وغيره رضي الله عن الجميع. Deuxième cause, والإخلاص في العمل. Bien sûr que ce عمل que tu fasses, ton intention c'est pour Allah عز وجل. Tu veux te rapprocher d'Allah عز وجل. الإخلاص. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ La troisième condition, صِحَّةُ الْمُعْتَقَدُ في الحقيقة كما قال في الحاشية شيخ زيد المدخلي حفظه الله زيادة الشرط الثالث زيادة في الإضاحة والتفصيل وإلا فهو يدخل في الشرطين السابقين في الحقيقة ça rentre dans les deux premières conditions لكن certains savants ils citent cette troisième condition بعضهم يسيت الإسلام بعضهم يسيت صحة المعتقد et في الحقيقة ça rentre dans les deux conditions bien sûr il faut que cette personne elle a une عقيدة صحيحة que ce soit un مسلم أما عمل المشرك il n'est pas accepté et هذا c'est واضح قال هذه الأسباب التي إذا أتى بها العامل فإنه يكون بعد ذلك راجيا بحق وخائفا بحق Vous avez remarqué que Ar-Raja ou Al-Khawf, il a cité un qaïd, une précision bihaq. Ton Raja et ta peur, ça doit être bihaq. Ça ne doit pas être avec exagération. Ou comme tu veux toi. Là, Ar-Raja ou Al-Khawf, t'espère et ta peur, comme c'est cité dans le Coran. Et tu suis As-Salaf Fihal. Il y en a beaucoup, ils exagèrent. Tellement qu'il a peur, il exagère. Arubama, il délaisse des wajibat. Arubama, il exagère. Là, si tu as peur, tu as fait une erreur. Allah. Et tu espères كذلك. Ils exagèrent dans l'espoir, dans l'espérance. Et tu seras sur le juste milieu qu'en suivant As-Salaf As-Salih. Et en revenant à Ahl al-Ilm, bien sûr. فَلَا يَغْلُوا فِي بَابِ الرَّجَعِ حَتَّى يَأْمَنْ مَكْرَ اللَّهِ نعم, il se sent à l'abri de مَكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ وَلَا يَغْلُوا فِي بَابِ الْخَوْفِ وَالْخَشْيَ حَتَّى يَيْأَسْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ كذلك il fait attention de ne pas exagérer في الخوف حتى يدزسبر والعياذ بالله ولكنه جامع بين ذلك ولذا قال العلماء في شأن حد الخوف والرجاء أنهما كجناحي الطائر يجب أن يكون متوازنين et ça c'est un مثال طيب ils ont comparé الخوف والرجاء l'espérance Et la peur avec deux ailes d'un oiseau. Cet oiseau, pour qu'il puisse voler, il faut qu'il ait deux ailes. Mutawazini, deux ailes avec le même poids. Et il n'exagère pas. Ce n'est pas une aile, elle emporte sur l'autre. Il se fera du mal. S'il veut que son iman y monte, il veut être élevé, il veut avancer dans son din, il faut qu'il ait deux ailes. Al-Khawf ou Al-Raja. Et Surtout, il n'exagère pas. قال والخلاصة من الآية. On revient au verset. قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال هي أنه ما دام أن هؤلاء الصالحين الذين يدعوهم الكفار ويرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار هم بأنفسهم يتقربون إلى الله بصالح العمل وهم مع ذلك من أهل الرجاء في رحمة الله وأهل الخوف من عقابه فكيف يطلب منهم فكيف يطلب منهم شيء هو من خصائص ربهم. C'est un résumé طيب. Ce salih, ce nabi, ce rasoul, que certains mushrik, certains juhal, ils adorent, lui-même, il espère se rapprocher d'Allah. Lui-même, il a peur du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Lui-même, quand il était vivant, il a fait des efforts pour se rapprocher d'Allah. Enfin, comment ce insan, il se rapproche de ce salih, cette créature, elle-même, elle veut se rapprocher d'Allah. Ça ne fait pas partie de notre dîn et ça contredit كذلك al-fitra wal-aql al-salim. La raison saine, celui qui réfléchit, qui médite, il comprend que je ne peux pas adorer un abd. Lui-même, il est faqir ilallah. Lui-même, il a besoin d'Allah. Lui-même, il espère d'Allah. Lui-même, il a peur d'Allah. Enfin, pourquoi je vais l'adorer? Je demande directement à Rabbul Jami'a. Celui qui m'a créé, qui a créé son salih, je lui demande directement. Et nous, on pose la question كذلك à ces mushrikoun. Pourquoi vous adorez pas Allah directement? Les nains, ils prétendent aimer ce salih. Est-ce que vous aimez pas Allah? Enfin, si t'aimes Allah et ta mahabba pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être plus grande que mahabbat al-makhlouq. Enfin, pourquoi vous revenez pas à Allah? Pourtant, Allah, il vous entend. Il vous a ordonné. Vous prétendez l'aimer. Pourquoi vous revenez pas à lui? La cause, c'est que ce cœur de ce mushrik, il est malade. Hatta il se sent obligé de demander à autre qu'Allah. Et ça, c'est une fitna. L'insan, da'iman, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatima. Là, tu as donné que tu es à l'abri. Même si tu as fait des doros fit tawhid, même si tu as compris. Combien de gens ils ont compris et ils se sont égarés et ils sont à l'ilm. Le cœur, il tombe malade. Faire attention aux shubuhat. Faire attention à ne pas se mélanger avec ahl al-shirk ou al-kufr. Là, ils ont des shubuhat. Et al-jalis, yu'athir ala jalis et ala sahib. Donc, on fait al-du'a à Allah subhanahu wa ta'ala. Et yakhtim lana bil-husna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fasse mourir ala hada al-khayr, ala al-ikhlas, ala al-tawhid. Et on fait les efforts que Cheikh Zayd, qu'il a cité. Fi as-sawab, et le mutaba'a, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi l'ikhlas, fi sihat al-mu'taqad, tout ça, c'est fondé sur l'ilm. Léana, tu ne connaîtras pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'aqid al-sahiha qu'avec l'ilm. Donc on fait des efforts et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir à la tawhid, et celui qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guidera et il le fera mourir à la khayr. قال شيخ الإسلام ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. Donc dernier dalil sur ceux qui adorent les arbres et les pierres. اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. Ces idoles que Quraysh adorait, اللات والعزى ومنات, c'était des pierres, des arbres, et ils les adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. Il s'était converti il y a quelque temps. Il venait de sortir من الكفر. Et ils ont accepté le message du prophète صلى الله عليه وسلم et ils sont sortis avec le nabi صلى الله عليه وسلم pour غزوة حنين. Une bataille à حنين. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. Donc, en se dirigeant vers Hunayn, ils sont passés à côté de certains mushriks et ils avaient un arbre, sidra, et ils accrochaient leurs armes, leurs sabres, ils les accrochaient sur cet arbre. يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. Pourquoi? Ils espéraient de cet arbre al-baraka. Ils espéraient de cet arbre du bien. C'est pour ça qu'ils accrochaient leur arbre sur cet arbre. فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاتِ كَمَا لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاتِ. Vu qu'ils venaient de sortir min al-kufr et ils sont rentrés vers l'islam, ils étaient encore nouveaux, ils ont demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam eux aussi qu'ils leur choisissent un arbre et ils accrochent leur arme. Al-Hadith. Al-Hadith, il est sahih. Qala Cheikh Zayd, رحمه الله ولقد ذم الله عز وجل العابدين للأشجار والأحجار وغيرها من المعبودات التي تدل على سخافة عقولهم قال الله منكرا عليهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهذه أسماء أصنام يعبدونها من دون الله وهي جمادات كما هو معلوم جمادات c'est quelque chose qui n'est pas vivant comme une arbre, comme un pierre, comme un mur ils adorent ces choses une chose qui ne parle pas, qui ne voit pas qui ne répond pas qui ne peut rien te donner مثل un mur, un arbre il ne peut rien te faire بل أنت si tu veux بإذن الله عز وجل tu coupes cet arbre, tu casses ce mur il ne pourra pas répondre enfin, pourquoi lui demander قال الشيخ زيد وهكذا ما كان يصنع المشركون من تعلقهم بالأحجار وتبركهم بها زعما منهم أن لها بركة وفضلا إذا وضعوا أسلحتهم وثيابهم عليها صار ذلك من أسباب النصر على الأعداء exactement comme les khurafats qu'on a aujourd'hui. Ils ont pensé, ils ont cru, haoula al-mushrikoun, qu'ils ont accroché leur arme sur cet arbre, c'est une cause pour avoir la victoire, ils vont avoir de la baraka, etc. Exactement comme ils font certains juhal aujourd'hui, khurafiyoun, il accroche sur sa voiture une main, un fer à cheval. Tout ça, c'est min hadha al-bab. Il espère dans ce makhluk la protection ou un bien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ceux, بعض الناس, ils ont des wasawis, ils voient le mal partout. Il achète une voiture, il croit khalas. Un mal, il peut le toucher, donc il met une main, il met un fer à cheval, il met un subha, il met des versets, il met beaucoup de choses. Là, il y a jouz. Ce fer à cheval, qu'est-ce qui va t'emmener? Qu'est-ce qui va te protéger de mal? Combien de voitures, ils ont un fer à cheval sur le pare-choc ou autre et ils font des accidents. C'est pas ça. Pourquoi Haoula ils ne reviennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Il achète cette voiture min al-halal awwalan et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le préserve. Et s'il lui arrive quelque chose, c'est dunya. Un accident ou autre, ça arrive. Lakin ash-shaytan il égare Haoula. Il demande la baraka dans une chose qui ne peut rien donner. أما نحن مؤمنون موحدون ولله الحمد وتعالى الله سبحانه وتعالى النصر من عند الله celui qui te préserve de tout mal c'est Allah عز وجل لا غير et bien sûr tu fais les أسباب قال فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الشرك الأكبر حيث يعتقدون في جمادات بأنها تجلب لهم مصالح أو تدفع عنهم مضار كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه الذي قال فيه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر قال وللمشركين السدرة أي شجرة معروفة تسمى شجرة النبق يعكفون عندها donc c'est un arbre il est connu في الجزيرة يعكفون عندها تعظيما لها العكوف c'est s'accrocher rester C'est pour ça qu'on dit « l'i'tika fil masjid »« rester fil masjid » فهؤلاء يعكفون عندها أي ils restaient vers cet arbre et ils accrochent leur arbre et ça c'est un bœuf de roulou rester vers les arbres rester vers les tombes et avec cette niya ça c'est un bœuf char c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu quand il a su que certaines personnes ils venaient pour voir l'arbre sous lequel al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ses compagnons lui ont fait le bay'a bay'a tur-ridwan Omar radiyallahu anhu il a coupé cet arbre pour fermer la porte il y en a certains qui vont venir voir cet arbre et des années après ils ont une aqida sur cet arbre vu que c'est un arbre le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était en dessous ou il était vers cet arbre et ils ont fait ce amal azim cette bay'a il va commencer à avoir une aqida c'est pour ça que le sahaba il ferme le bain c'est pour ça que cet arbre il a été coupé construire sur les qubur toujours aller à le qubur, rester vers ce qabr, etc. C'est un bab shar. C'est pour ça que Rasoul nous a interdit de construire sur les tombes. Et tu n'as pas besoin de rester vers les tombes. Si tu fais une ziyara shar'iyya, fatamur, ça te rappelle l'akhira et tu prépares l'akhira. En restant vers la tombe, ça commence par réciter le Coran, thumma, ça finit, wal'iyadu billah, kathir minhum, il invoque le mort lui-même. Qala, يعكفون عندها تعظيما لها وينوطون بها أسلحتهم يعلقون عليها الأسلحة والثياب ويسمونها بهذا الاسم ذات أنواط. قال فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم بهذا التعبير وهذا الطلب أخطأوا خطأ فاحشا ووقعوا في المحظور الذي وقعت فيه بنو إسرائيل بطلبهم من موسى ذاك الطلب المشي. نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غبخماندي هؤلاء رضي الله عنهم إلى غادي مونتخي أن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى وزابدي كم les enfants d'Israël, ils ont dit à Moussa. Et il a cité le verset, alayhi salatu wasalam. Qala azza wa jal, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhaloun. Le verset. Inna haulai mutabarrun ma hum fih wa batilun ma kanu ya'malou. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ce verset. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Vous avez dit comme les enfants d'Israël, ils ont dit à Moussa. Lakin li jahli muslimatil fath. ولأنهم حدثاء عهد بكفر ولم يفعلوه كما كان المشركون يفعلون. لكن la différence أن هؤلاء أولا ils étaient nouveaux في الدين. Donc avant de rentrer dans le din, Rubama, ils étaient touchés par ces choses. لكن والله الحمد ils sont rentrés في الدين, c'est devenu des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Ils étaient encore nouveaux. Enfin, ça arrive du nouveau هذا. C'est pour ça qu'il faut patienter avec un nouveau أكثر. L'Anou, Rubama, il sépare, Rubama, il est encore touché par les choses du passé. Kadhalik, ils n'ont pas fait. Contrairement au mushrik qui fait la chose. Là, ils ont demandé, faqat. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a réprimandés, il leur a montré là, et il leur a cité le délit. Walillah, ilhamdi, ils se sont écartés. Qala, walam yaf'alouh, kama kana al-mushrikoun yaf'alounahu, inda ashjarihim, allati ya'budounaha min dounillah. وينوطون بها أسلحتهم رجاء بركة رجاء بركتها ونفعها لم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر أبدا بل النبي صلى الله عليه وسلم leur a montré et ils ont accepté ولله الحمد. هذه القاعدة الثالثة elle est مهمة جدا et الخلاصة c'est que c'est pas permis d'adorer autre qu'Allah avec Allah عز وجل. Que cette chose, ce makhlouq, il a un fadl amla. Lian al-ibada, c'est un haqqun lillahi azza wa jal. Wa abudullah, wa la tushriku bihi shay'a. C'est ça le khulasa de cette qa'ida al-nafi'a. Thumma, il a conclu, il a fini avec al-qa'ida al-rabi'a. Et, na'am, on l'a lié, elle est sahla. Qala, rahimahullah, al-qa'ida al-rabi'a. Dernière règle. أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين أي المشركون à notre époque leur shirk il est encore plus grave que le shirk des mushrikoun qui était à l'époque. Pourquoi? لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. الأولون أي ceux qui étaient avant nous à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم ils faisaient du shirk في الرخاء ويخلصون في الشدة. Quand tout allait bien, ils faisaient du shirk. Quand ils étaient en difficulté, ils revenaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mushriku zamanina shirkuhum da'im. Amma ceux de notre époque, fata'im. C'est toujours. Difficulté ou facilité, il fait du shirk wa la'idu billah. Quand il est en difficulté, il revient à son idole. Et quand il a une facilité, kadhalik, il remercie l'idole. Enfin, il adore cette idole. Ce salam, ce wathan, da'iman wa la'idu billah. قال شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. Quand ils sont في الفلك sur un bateau, sur une barque, et s'il y a la tempête, ils sont en difficulté, دعوا الله مخلصين له الدين, ils reviennent à Allah. Ça montre qu'ils reconnaissent Allah comme créateur. Et ils savent que c'est Allah qui peut les sauver. C'est pour ça qu'ils ne reviennent pas à leur statue. Il y en a pour lui sa statue. Cette pierre, cet arbre, c'est que pour le rapprocher d'Allah. Et dans ce cas, il sait que cet arbre ne peut rien faire. Donc, il revient à Allah, Azza wa Jal. En situation de difficulté. فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرْ Al-Bar, c'est la terre. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, les a sauvés, ils retrouvent, ils sortent de la mer. إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Ils reviennent à leur shirk. Amma le mushrik d'aujourd'hui, il est en difficulté, rubbama shirkuhu yazdad. Rubama, s'il est en difficulté, il est touché par un mal, il fait encore plus de shirk wa al-iyadu billah. Qala Cheikh Zayd, wa khatama al-mu'allif rahimahullah hadhihi al-qawa'id bil-qa'idah ar-rabi'ah. Donc, dernier règle. Wa hasiluha huwa bayan anna al-mushrikin fi 'asr al-mu'allif wa ma ba'dah aghladu shirkan min al-awwalin. Donc, depuis l'époque de Cheikh al-Islam, il y a un peu plus de 200 ans, et jusqu'à aujourd'hui. Le hal des mushrikis s'est empiré. ثم بين ذلك بقوله لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. Il a démontré pourquoi. Et on a expliqué, on lit كلام شيخ زايد. هذا وهذا هو الواقع يعني أن المعابد التي تعبد في معظم العالم الإسلامي اليوم كالأولياء المقبورين في المساجد وكالأماكن المرموقة يأمها الناس بقصد تفريج الكربة وإنجاب الولد وإسباغ الرزق واتقاء الفقر وشفاء المرض ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. Un mal, il est touché par un mal, pauvreté ou maladie, au lieu de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à ce wathan, il demande à ce qabr, il demande à ce mort. أما المخلوق فإنه لا يستطيع على مثقال ذرة من جلب خير أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. Des choses qu'il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut, comme guérir, comme donner un enfant, comme donner un risque. Et il demande, وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ à des morts. ثم دلل المؤلف رحمه الله بأن المشركين الأولين كانوا يخلصون في حال الشدة قول الله تبارك وتعالى أي إلى cité comme preuve فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أخلصوا لحاجتهم ولتفك كربتهم ولم يخلصوا لله الصادقين لأنهم إذا زالت عنهم الشدة رجعوا إلى شركهم. Bien sûr, ils ne sont pas véridiques. Leur but, eux, c'est de sortir de ce mal, de cette épreuve dans laquelle ils sont. Dès qu'ils sortent, ils reviennent à leur shirk. هكذا كان قال كما قال تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والمطلوب من أمم الأرض أن يكونوا موحدين لله عز وجل مخلصين له في حال الرخاء وفي حال الشدة. Tu comprends pas du kalam de Cheikh al-Islam أن المشركون dans l'époque ils avaient du khair. Là ils sont moins graves que ceux d'aujourd'hui. أما ils sont tous على الشر. Et s'ils meurent على الشرك الأكبر ils sont tous في النار. Lakin pour te montrer la gravité de Haoula, des mushrikoun d'aujourd'hui, le niveau qu'ils ont atteint, wal'iyadu billah. قال والمطلوب من أمم الأرض أن يكونوا موحدين لله عز وجل مخلصين له في حال الرخاء وفي حال الشدة وفي كل حال من الأحوال. أما إذا استسلموا لله في أوقات الشدائد وأشركوا بالله في حال الرخاء فهذا هو صنيع المشركين. On doit faire attention de ne pas être من هؤلاء. Ne pas reconnaître le ma'rouf, ne pas avoir de choukr, la difficulté. L'insan yatadarra wa yardi ila Allah azza wa jal est facilité quand il reçoit des ni'am, il oublie. Là, hada c'est pas min sifat al-mu'mini. Qala as-sani' alladhi la ya'dhuruhum Allah bihi wa la yubihuhu lahum ash-shar' mahma kanat dhurufuhum wa mahma kanat ahwaluhum إذا كان قد قامت عليهم الحجة الرسالية والله المستعان. نعم فهذه هي القاعدة الرابعة للسامبل. والحاصل كما قال الشيخ زيد قال رحمه الله أن هذه القواعد الأربع من أنفع القواعد في باب العقيدة وبيان التوحيد وجلائه وبيان ما كان عليه المشركون على اختلاف أصنافهم وتعدد أممهم وأجيالهم. Ces quatre règles qu'on a étudiées ensemble, elle te montre haqiqatu at-tawhid. C'est quoi at-tawhid? Tawhid al-anbiya, tawhid al-mursalin. At-tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. C'est pas reconnaître Allah comme créateur faqat la. C'est reconnaître Allah comme créateur et unifier et adorer Allah seul. Hada huwa at-tawhid. Kadhalik il nous a montré, ces qawaid nous ont démontré hal al-mushrikin. أن بعضهم يزادوا الأنبياء بعضهم يزادوا دي بيير دي زعب في الحقيقة ستوس دي مشركون. لماذا؟ لأنهم يزادوا أترك الله ممسي يزادوا الله أشركوا مع الله فحبط عنهم ما كانوا يعملون. دونك سي قواعد نافعة جدا. كذلك nous a démontré الشبهة أن هؤلاء pourquoi ils adorent ces idoles pour que ces idoles les rapprochent d'Allah. هذا لا ينفع لأنه c'était حال المشركين الأولين. Et النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré, بل الله il a démontré que c'était des kuffar comme on a vu في الآية. كذلك nous a démontré أن المشركون d'aujourd'hui حالهم il est أشد لأنهم ils font du shirk dans toutes les situations, facilité, difficulté, contrairement à certains mushrikin de l'époque. فصدق قواعد نافعة فالعناية بها حفظا وفهما ودعوة. Si tu expliques ces quatre règles à tes parents, à tes proches, نعمة عظيمة. كثير من الناس ils mélangent في التوحيد. Ils pensent que reconnaître Allah ou croire en Allah ça suffit, même si cette personne elle fait du shirk. Tu leur montres dinu al-anbiya, tu leur montres c'est quoi les fondements de ce din. Et parmi les fondements, ces quatre règles. قال ما ذلك إلا من أجل أن يفقه الإنسان توحيده وأن يفهم ضروب الشرك التي حذر الله منها فيجتنب ذلك باطنا وظاهرا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. C'est une risala nafi'a. Wallahi alhamd, vous l'avez appris par cœur ou pratiquement. Enfin, continuez les efforts fil hifz et continuez les révisions. Et كذلك, lisez shuruhat ahli al-ilm et écoutez les durus de nos savants en arabe. Cheikh Fawzan a sharh tayyib, Cheikh Ibn Baz كذلك, Cheikh Zayd on a lu son sharh, Cheikh Mohamed Aman. Et كثير من العلماء ils ont des shuruhat ala hadhihi ar-risala al-azima. Faites des efforts, continuez fil hifz hatta al-hifz il est jayyid, une mémorisation correcte. Faites des efforts dans la révision en écoutant des autres explications ou en lisant un autre sharh que celui de Cheikh Zayd qu'on a fait ensemble. Et alhamdulillah qui nous a facilité de finir cette risala. Et inshallah après cette risala on lira شرح الأصول الستة للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.